Alors je vais du coup essayer de vous présenter le projet Mietech, donc qui s'est lancé il y a cela 2 mois maintenant. Donc il y a un projet AMI donc financé en partie par les investissements d'avenir. Donc Mietech, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire Mont Didier, intelligence énergétique territoriale pour la collectivité. Donc c'est la mise en place d'un système de gestion énergétique sur la commune de Mont Didier. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, en gros, juste pour replacer dans le contexte, la création du projet, elle est partie d'un constat, c'est que, bon, bah, au travers de nos missions respectives, et notamment des missions qu'on a pu mener sur le territoire de la commune de Montdidier, on s'aperçoit très vite que, finalement, on aura beau essayer de développer toutes les politiques de MDE qu'on veut, sans, comment dirais-je, la prise en main de ces problématiques d'énergie par les citoyens, il y a finalement... C'est un peu illusoire de s'imaginer arriver à avoir des effets d'ampleur et c'est un peu un souci étant donné tous les objectifs qu'on s'est fixés pour les années à venir. Et c'est vrai que notamment à l'heure du débat sur la transition énergétique, cette question de prise en main de l'énergie, donc de démocratie autour des problématiques d'énergie et chez les usagers est une question centrale si on veut pouvoir mettre en place des programmes d'action et un changement véritable. Alors... Merci pour le micro. Du coup, au moment, bien sûr, de l'arrivée de tous ces moyens de communication et d'information, ça nous a semblé être une chance, une grande chance de, comment dirais-je, d'essayer de mettre en place des politiques, comment dirais-je, d'animation territoriale autour de l'énergie qui permettent que les citoyens appréhendent au mieux le sujet et se fondent dedans et s'investissent au maximum pour en tirer les plus grands bénéfices. Alors, à partir de ce constat, on a construit un projet qui se résume en 3 grands objectifs, 3 grands axes de travaux. Un aspect un peu technique, je dirais, qui est, donc je ne vais pas trop développer aujourd'hui, mais qui est un outil indispensable à la mise en place du projet métier, que c'est finalement le développement d'une intelligence territoriale et la mise en place d'équipements communiquant sur la zone et la mise en place d'un système de gestion énergétique qui met en relation la production du territoire, les consommateurs, les possibles moyens de stockage et qui gère les capacités, en tout cas qui met en place une conduite de réseau qui permet d'atteindre des objectifs qu'on lui fixe et du coup qui permet de mettre en place des systèmes de gestion un peu intelligents qui nous amènent vers ce qu'on désire construire. Donc ça c'est un premier aspect un peu technique donc qui va voir un tiers des usagers de la commune équipés de compteurs communicants et de moyens d'effacement qui va voir toute la construction d'une architecture d'un système de gestion énergétique. Par ailleurs, l'idée c'est d'associer ce système de gestion à la création d'un réel outil d'animation innovant et qui permet aux citoyens justement de prendre en main ces politiques de énergétiques et qui puissent, transmettre au mieux les programmes de MDE que la commune souhaite mettre en place sur le territoire. Alors la création de cet outil d'animation, ça va bien entendu s'appuyer sur à la fois les outils techniques qui seront mis en place et les outils techniques que nous permettent d'amener les smart grids. On pense tous à ce qui se développe un peu à droite à gauche, des plateformes informatiques où en gros un site web où chacun peut aller consulter ses consommations, consulter les consommations de sa commune, de son quartier, etc. Donc tout ça, c'est une des parties, mais il y a vraiment l'idée d'animation territoriale autour des politiques énergétiques, et donc c'est aussi s'appuyer les compétences de la régie, j'aurai le temps d'y revenir, les moyens de la collectivité, en l'occurrence de la commune de Montdidier, pour mettre en place des stratégies de communication. Donc c'est vraiment un outil global d'animation territoriale autour des problématiques d'énergie. L'idée, une fois qu'on aura construit ces deux choses-là, étant de mettre en place sur le territoire de la régie, on a la chance d'avoir une régie de distribution, donc on peut se permettre de tester quelque chose, quelques petites choses, de mettre en place des modes de gestion des équipements de modulation qui sont sur le territoire, qui permettent d'optimiser les gains pour la collectivité et non d'optimiser les gains pour certains acteurs du réseau. L'idée, une fois que ces gains étant optimisés, étant donné qu'ils sont en grande partie centralisés entre les mains de la régie, et l'idée étant de les rétribuer, de rétribuer les différents acteurs de manière un peu, équitable en fonction de leur l'investissement qu'ils ont mis dans la gestion énergétique du territoire. Donc clairement, l'originalité de la démarche, c'est pas tant le développement des outils techniques, même si bon, on en sera fier, j'espère, une fois qu'ils seront développés, mais c'est plutôt l'idée de développer des outils techniques et que ça ne soit pas une fin en soi, que ça soit vraiment des outils justement pour mettre en place une stratégie d'animation territoriale et mettre en place une stratégie de MDE réellement efficace, pris en main par les citoyens et dirigée par la collectivité. Alors, mon Didier, ça, on n'a pas choisi ce territoire par hasard, forcément. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça fait quelques années que la commune essaye de lancer des programmes de MDE un peu sur tous les fronts. Ça a commencé donc il y a une dizaine d'années, en 2003, par un début d'études de potentiel MDE qui a ouvert tout un tas de pistes de réflexion et qui a du coup ouvert tout un tas de portes à la mairie et à la régie, qui s'est soldée par tout un tas d'actions, que ce soit des actions de réhabilitation ou des actions de mise en place de moyens de production locaux, donc un réseau de chaleur bois, un parc éolien, un parc photovoltaïque, puis après, comme je disais, des réhabilitations, bon, la montée en compétences notamment de la régie et des acteurs locaux pour l'accompagnement des citoyens. Enfin, c'est vraiment un territoire qui, depuis 10 ans, a évolué et nous offre un terrain d'expérimentation un peu idéal, tout en sachant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que la distribution et la fourniture d'électricité sur le territoire est assurée par une régie d'électricité qui est bien entendu dont la maire est la présidente du conseil d'administration, donc qui a un objectif de service public peut-être un peu plus présent, en tout cas qui est sous les ordres de la collectivité et donc qui permet de mettre en place les envies entre guillemets de la collectivité et des citoyens. D'où le choix de la régie de Montdidier. Alors, bon, ça, je vais juste passer rapidement. C'est juste pour vous montrer un peu l'idée du projet. C'est vraiment d'essayer l'idée, c'est de construire les outils qui permettent de mettre en relation l'ensemble des gens sur le territoire, de les faire communiquer entre eux et de permettre aux élus, aux citoyens, de mettre en place la gestion énergétique qu'ils veulent sur le territoire. C'est-à-dire qu'on, finalement, comme je disais, on construit des outils, un outil de pilotage, des outils de communication et d'animation qui ont pour objectif sous l'autorité des élus et la volonté des élus, de mettre en place des systèmes de gestion énergétique qui mettent en relation, que ce soit la production locale, qui prennent en compte les réseaux de la commune et les possibles contraintes auxquelles ils peuvent être soumis. D'ailleurs, on parle du réseau de la commune, mais c'est également le réseau national, histoire d'avoir des échanges également avec les acteurs nationaux et le réseau national, mais également de mettre en relation les consommateurs avec ce réseau, qui est les consommateurs qu'on met ici impliqués, en fait, qui sont équipés de compteurs ou non. Donc l'idée, c'est vraiment de construire un système de gestion énergétique où ce sont la collectivité et les citoyens qui prennent en main la politique énergétique du territoire. Alors, juste ce qu'on a appelé les effets secondaires désirables du projet métier, j'en ai cité quelques-uns, mais dans l'idée, c'est comme tout ce qui peut être, entre guillemets, imaginé avec l'arrivée des compteurs communicants et de ce qu'on appelle les réseaux intelligents, c'est-à-dire quels objectifs vont être poursuivis par la collectivité dans sa gestion énergétique territoriale. En gros, il y a plusieurs objectifs qui vont tenter d'être suivis. C'est à la fois limiter les investissements sur le réseau en limitant les appels de charge à la pointe sur le territoire, limiter les émissions de gaz à effet de serre en limitant les appels de charge à la pointe sur le territoire national. L'objectif du projet, c'est également de créer une compétence locale et de faire notamment du point de vue de la régie, au même titre que ça a pu être vu tout à l'heure avec le réseau de chaleur, un maintien de l'emploi local et la construction d'une réelle compétence locale autour de ces problématiques énergétiques. Et bien entendu, tout ce qui va autour, en ce moment, des débats sur la transition énergétique, mais on a des objectifs forts d'intégration des renouvelables et c'est l'occasion d'essayer de mettre en place des systèmes de gestion énergétique qui favorisent leur intégration dans le système électrique. Voilà, alors juste pour résumer les quatre partenaires du projet, donc c'est Énergie Demain, bureau d'études, Niji qui doit être représenté quelque part dans la salle, une société de conseil dans les techniques des technologies de l'information et de la communication, la régie de Montdidier, donc qui est finalement un partenaire qui ne va pas nous aider à développer techniquement les outils d'intelligence, mais qui est finalement l'utilisateur de la plateforme qui va être développée, et l'Université Picardie-Jules Verne qui, elle, nous accompagne sur les problématiques de stockage qui vont être également introduits dans ce... dans le, à terme sur le périmètre de la régie et dans sa gestion énergétique territoriale. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai, c'est bon.